Alors, bon début de soirée à tous et à toutes, autant aux gens qui sont ici sur place à la librairie Pantoute, autant aux gens qui nous découvrent sur Facebook Live. Alors, bienvenue à tous et à toutes pour cette première version du Club de lecture de la vie en BD, mais en direct de la librairie Pantoute. L'émission fait relâche, évidemment, pour la saison estivale, mais on n'avait pas envie, nous quatre, de faire relâche. On avait envie de poursuivre, de continuer à lire, même s'il fait beau. Quand on aime. Quand on aime, on aime. Et donc, on a choisi de poursuivre au fil de l'été, donc des rendez-vous avril, juin, juillet, août, merci. Alors, donc, c'est le premier de trois rendez-vous estivaux. Je rappelle peut-être le concept du club de lecture avant de présenter les gens autour de la table. Donc, l'idée, c'est que mensuellement, dans le fond, on se partage des lectures. À chaque mois, c'était, du moins pour la saison radiophonique, un de nous quatre qui proposait quatre titres aux autres, en lien avec une thématique, des goûts personnels, un cadre de choix qui était laissé libre à tous et à toutes. Et ben, pour la version estivale du club, eh ben, on a choisi de s'adjoindre des gens, des invités externes qui nous proposent des lectures. Alors, c'est ce qu'on découvrira aujourd'hui. Donc, je fais le tour de la table. Alors, Marco Duchesne, bonsoir. Bonsoir. Édouard Tremblay, bonsoir. Bonsoir Raymond, bonsoir à tes auditeurs, n'est-ce pas, l'habitude. Et au tien, puisqu'on est chez toi aujourd'hui, et que ce serait plus tes auditeurs, Édouard. Alors, Édouard et Marco qui sont libraires ici chez Pantoute. Jérôme Vermette, bonjour, avec le micro, ça va être plus facile. Bonjour. Ex-libraire et notre invité pour ce mois-ci, donc qui est chroniqueur journaliste culturel à ICI Québec. Aussi. Ex-libraire également. C'est vrai, oui. Chez Pantoute en plus. Ah ouais. Oui, je reviens à la maison d'une certaine façon. Anne-Josée Cameron, bonsoir. Bonsoir. Et Anne-Josée, en fait, c'est Marco qui t'a invité à nous présenter, à nous amener d'emblée, dans le fond, une première sélection. Julia Roberts ne m'a pas répondu, alors. Ben oui, j'ai le deuxième choix, c'est pas super. Merci d'avoir accepté l'invitation d'emblée. Ça me fait plaisir. Et on peut se lancer dans le vif du sujet. Tu nous as fait une sélection de quatre titres. Et sans nous dévoiler exactement pourquoi tu nous avais proposé, s'il y avait un élément qui y liait, on s'est amusé d'ailleurs à disserter sur s'il y avait une thématique, et on a commencé à prendre des paris, d'ailleurs. Ah, ben vous savez, j'ai même pas réfléchi, je suis allée de façon très, très irrationnelle, j'ai pas réfléchi aux liens qui les unissaient, mais en les relisant, après la troisième, je me suis dit, ah tiens, donc c'est drôle. Alors on pourra en reparler, mais j'ai choisi quatre BD, deux volets, je vous dirais un volet historique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime apprendre avec la BD, donc... Volet historique noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, que vous connaissez peut-être. Moi, je ne la connaissais pas avant de lire cette BD. C'est la première qui a vraiment refusé de se lever dans un autobus en Alabama, bien avant Rosa Parks. On découvre pourquoi l'histoire n'a pas retenu son nom. Donc, moi, j'ai adoré cette BD-là. Et l'affaire de l'orme, parue chez Glénat, donc une histoire judiciaire dans les années 20, incroyable, où je vous dirais que la loi va affronter la religion et on verra bien qui va gagner. On en reparlera peut-être plus tard. Je ne vous dévoile pas trop, j'en dis pas plus. Je vais seulement vous présenter mes peut-être en faire une fois pourquoi, oui, exact. Ben ça, c'est extraordinaire. Un, j'ai appris une histoire, j'en ai appris sur mon histoire, mais ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est l'absolu souci du détail. J'avais l'impression d'être dans un film d'époque. Les détails, on y voit, on y découvre la loi. Si je me rappelle bien, par exemple, le premier ministre est aussi ministre de la Justice. Comment les pouvoirs vont chevaucher à l'époque? Le pouvoir de la religion, le racisme ambiant, toutes les espèces de préjugés qui prévalaient dans le Montréal des années 20. Mais là, c'est une époque, on vient de finir la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas encore eu la Deuxième Guerre. Il y a tous ces relents-là qui sont sous-jacents dans les non-dits. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc ça, c'est pour le côté plus historique. Dans le côté est-ce qu'on peut dire plus amoureux, peut-être d'une certaine façon, je vous dirais psychologique, oui, psychologique, dans l'intimiste aussi, dans l'intime. Alors, il y a Les Petites Distances qui est paru chez Casterman, qui est l'histoire donc d'un homme invisible. C'est-à-dire que cet homme-là a tellement pas de personnalité ou il s'essaie tellement pas s'affirmer que peu à peu, il devient véritablement invisible. Il va complètement se dématérialiser. Tant et si bien qu'il va même pouvoir vivre dans une maison où personne ne sait qui est là. Et ça va lui permettre de rencontrer donc Léonie, qui a ses fantômes personnels. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a un petit côté surnaturel, c'est quelque chose que j'aime toujours. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un petit vice, qui est le surnaturel et l'horreur. Et puis, une BD que j'adore. Je pense que c'est ma BD préférée des dernières années. Oui, j'ai vu que tu as eu envie d'ajouter quelque chose, Marco. Avec Jérôme, l'horreur. C'est un vice assumé quand même. Les deuxièmes de Sviane, qui est une BD formidable. D'ailleurs, je vous remercie de l'exercice parce que je les ai relus pour venir vous en parler. Ce sont des livres que j'ai lus il y a quelques temps. Et j'ai encore plus apprécié mes BD en les lisant une deuxième fois, en prenant plus le temps de regarder les détails, le dessin, d'aller au-delà de l'histoire, d'aller dans les silences, dans les expressions. Je l'avoue, souvent, je vais lire mes BD trop vite. C'est ce que j'ai réalisé en refaisant l'exercice pour vous. Et donc, Sviane, j'ai envie de dire que c'est l'histoire d'un désir ou d'un amour qui ne dit pas son nom. L'histoire de tout ce qui n'est jamais dit. De l'orgueil aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je pense que c'est un bijou que les deuxièmes. On en reparlera plus tard, mais c'est des quatre, je pense, après ma relecture, ça demeure mon favori, là, hors de tout doute. C'est une BD québécoise, ça me rend d'autant plus heureuse. Alors voilà, ce sont les quatre livres que j'ai choisis pour vous. Alors, quatre livres, donc je rappelle Les petites distances de Camille Benalla et Véro Cazot, Les deuxièmes de Sviane, L'affaire de l'ombre de Grégoire Mabi et de Michel Viau, et Noir, La vie méconnue de Colette Colvin de Émilie Plateau. Alors, c'est les quatre titres, et ben, comme à l'habitude, en fait, voyez, on est la table pleine de notes et on y va en mode très planifié, très organisé, ceci dit avec une certaine ironie. Et généralement, par contre, on lance vers Édouard. C'est la seule qui a des notes, si je comprends bien. Il y a d'habitude, Édouard a une note. Oui, à tout le moins, il y a l'angle de départ. Alors, Édouard, je te regarde comme à l'habitude. J'ai paumé mes notes ce matin, probablement, c'est le caractère estival de la chose, mais néanmoins, je savais bien que c'est moi qui allais se taper le début de la chose. Au-delà de ça, d'abord, merci, parce que moi, c'est des BD que j'avais pas eu la chance ou l'occasion de lire, et ça a été quatre magnifiques lectures. J'ai vraiment adoré. Je suis contente. Vous pourrez m'obstiner, vous pourrez me contredire si le cœur vous en dit. J'ai trouvé, pour ma part, et assez rapidement, que en tout cas, un des points d'ancrage des quatre BD qui m'a frappé, c'est la déclinaison qu'on fait de l'oubli. Sous quatre formes différentes, je m'explique. Bon, dans le cas de Noir, bon, Claudette Colvin, c'est assez simple. On voit que c'est vraiment quelqu'un qui a été oublié, une grande oubliée de l'histoire, hein, dont on a laissé passer ce qu'elle a fait. Mais en même temps, quand on regarde, par exemple, l'affaire de l'Orme, c'est un cas qu'on a essayé d'oublier. Et Dieu sait qu'on le voit très, très bien dans la BD, hein, comment le clergé joue des pieds et des mains pour que tout ça tombe dans l'oubli le plus total, le plus rapidement possible. Et ça, c'est fou, là. C'est une saga judiciaire, quatre procès pour arriver à innocenter quelqu'un qu'on sait pertinemment coupable. Et dont on n'a pratiquement pas... C'est fou! Je veux dire, moi-même, historien, j'avais jamais entendu parler de l'affaire de l'Orme. C'est pour vous dire comment, hein, des fois, que ça a passé. Et si je me rappelle bien les détails, c'est bien dit d'ailleurs... Première affaire en Amérique du Nord où on a utilisé la balistique pour prouver tout à fait, un point. Tout à fait, aussi, c'est assez marquant qu'on parle pas docteur de Rome, là, c'est le premier procès où il a témoigné justement avec la balistique. Ça aussi, ça m'a épaté. J'ai trouvé la qualité de recherche aussi dans les détails. Oui, puis en fait, puisqu'on semble obliqué vers l'affaire de l'Orme, j'ajouterais un grain sur... Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'à une certaine époque, on puisse se dire que c'était impossible qu'un prêtre puisse commettre un crime... Et qu'il y a littéralement, malgré justement la culpabilité et au-delà du procès, qu'il y a des gens dans la société qui se mobilisent pour qu'on évite que ce prêtre-là, pourtant évidemment coupable, soit accusé de quoi que ce soit. Et donc, on a déjà eu, il n'y a pas 100 ans, une situation où finalement on se disait, tel groupe de gens ne peuvent pas commettre de crime. Et je trouve ça intéressant parce que d'ailleurs, la page couverture de la bande dessinée représente bien la dynamique. On voit le mort, puis on voit l'ombre de l'Église sur lui, on voit la croix. Je trouvais que tout était là dans la page couverture. Un coup qu'on a lu le roman, j'ai trouvé que c'était une synthèse parfaite, pas le roman, pardon, mais la bande dessinée, que c'était une synthèse parfaite de ce qu'allait nous proposer, donc, Michel Viau. C'est une composition, parce que le corps a été retrouvé dans un terrain vague, hein, c'est mm-hmm. ça, c'est une image. Mais c'est donc parce que l'aspect où c'est l'Église qui prend la part des choses pour essayer de faire oublier que, pas Raoul, mais Adélard Delorme est possiblement le coupable. Ça paraît plus vers la fin. Vraiment, ce que j'ai aimé, c'est l'enquête en elle-même. Donc, le policier Farah Lajoie, là, c'est un personnage truculent de roman policier, oui. Ben, vraiment fascinant à voir aller, comme un vrai Sherlock Holmes, je vois telle affaire, mais il n'en parle pas tout de suite, il va juste en reparler après. Puis moi, je trouvais ça incroyable de voir qu'un policier syrien avait été un des plus fins lumiers à Montréal dans les années 20. On parle souvent de notre société multiculturelle, c'était déjà là. Moi, je trouvais ça super intéressant de voir aussi comment il va faire face... À lui-même, à, ben oui, quand on passe l'espèce de photo où il est déguisé à l'Halloween en nabab, en chèque, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, on dit le méchant arabe qui veut s'en prendre à l'église ou quelque chose comme ça. C'est fou, là, il va... Alors qu'il est chrétien, d'ailleurs. Il est chrétien, il a voulu se faire faire blanc. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très croyant et il va être aux prises... avec l'Église au-delà de la justice. Donc, un écho genre. Quand même assez fort, même au contexte actuel, quelque part. Tout à fait. C'est justement, on voit, hein, c'est comme, on dit, c'est 100 ans, et pourtant, outre, bon, disons justement, l'omnipotence de l'Église qui en a pris un coup depuis avec la Révolution, tranquille, mais, je veux dire, c'est tout ce travail d'essayer d'enlever la crédibilité de quelqu'un en le montrant dans des situations décontextualisées, en lançant des choses comme ça qui sont pas vraies mais qui restent dans l'air et puis là, ben, ça plane là, ça sème le doute. L'humain reste l'humain dans tout ça et c'est vraiment fascinant de voir comment, en même temps, tant de choses ont changé drastiquement mais que dans les fondements... Il y a des choses qui restent. Il y a encore quelque chose de très ancré en nous là-dedans, dans notre... J'oserais pas dire notre petitesse, parce que c'est trop réduit, mais dans cette espèce de peur beaucoup, un peu... Il y a quand même beaucoup de personnages qui sauvent l'être humain là-dedans. Oui, là. Quand même. Oui, mais peut-être parce que nous, on a aimé ça, on en parle, mais on n'a pas présenté pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Peut-être rappeler, c'était quoi l'affaire de l'homme? L'affaire de l'homme, donc on est en 1922, en janvier, un corps est retrouvé, ligoté, 6 balles dans la tête, et on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est Raoul Delorme, il a 24 ans, et il est l'héritier d'une grande fortune que son frère, prêtre, gère pour lui. Mais son frère n'a pratiquement rien reçu, ni ses sœurs. Et là, le policier Farah Lajoie, donc, va commencer à enquêter pour savoir ce qui s'est passé, et on va découvrir que c'est une histoire de cupidité, en fait. Le prêtre avait des goûts de luxe, c'est un mégalomane, et il a décidé de mettre la main sur le magot. En tout cas, c'est ce qu'on en déduit, puisque l'histoire n'a jamais été résolue complètement. Et ce qui est fascinant, tu parlais de la recherche du côté très pointu. En fait, Michel Villot a fait... en fait, il y a une formation d'historien aussi avant d'être passé, donc il y a peut-être des parentés. Dans le fond, lui est passionné justement d'histoire. En fait, une recherche historique formelle. Il aurait pu se contenter de la biographie de Farah Lajoie. Il aurait pu se contenter d'autres documents écrits a posteriori. Mais finalement, quand on creusait, lui disait, regardez, on se rend compte que les dates ne concordent pas toujours exactement. Donc, il est retourné dans les journaux. Et à l'époque, ben, il y avait 2 publications quotidiennes, dans le fond, matin et soir. Et il y avait des transcriptions des procès aussi dans les journaux. Et comme c'était une affaire qui était quand même fortement médiatisée, donc il a été cherché là-dedans. Il y a des dialogues de procès qui sont pris. Il y a des extraits d'archives, oui, littéralement, dans la bande dessinée. Mais ça me fait penser à quelque chose qui m'a étonnée et j'aurais aimé lui poser la question. C'est une narratrice. On est dans un monde d'hommes, mais il a choisi de faire raconter l'histoire à travers les yeux d'une femme qui essaie de devenir journaliste, à l'époque où les femmes sont interdites. Écoute, tu t'en train de toucher à un des points que moi, j'ai vu dans les films conducteurs. Ah! Puis je m'embarquerai peut-être pas tout de suite avant qu'on ait parlé sur les autres, là. Mais moi, j'ai vu dans les BD que tu as fait lire, il y a beaucoup d'images sur... Il y a un sous-texte sur la masculinité que j'ai réussi à avoir dans chacun de tes... Mon Dieu, mais c'est comme aller chez le psychiatre. Ça, je m'étends, attendez, là. T'as pas à t'inquiéter, on a la permission du docteur. C'est bon, OK. Jérôme, avec son dossier, on peut voir si... Non, mais je trouve ça intéressant. T'as pas à t'inquiéter. Non, mais juste pour celui-là, là, justement, bon, le point que t'amènes, on le voit à travers les yeux d'une femme qui, elle, est en train de... Ben, elle, on sent, là, c'est une femme qui est en train de se libérer. On est dans les débuts, là, peut-être, du féminisme, tout ça. Donc, elle veut monter les échelons du journalisme. Puis, elle se lie d'amitié avec un des policiers. Mais c'est à travers toutes les autres scénettes qu'on voit un peu la place de la femme. Hein? Donc, la mère du policier. Le policier, il est amoureux de la femme, mais quand il est chez lui, c'est la mère qui fait manger pour tout le monde. Puis, ah, oh, maman, s'il te plaît. Puis, ben, à l'inverse, le personnage de Farah Lajoie, lui, paraît plus comme... À côté de ça, l'image plus typique du héros, là, selon moi. Tout donc, ça a l'air d'un homme intègre. Quand il parle de sa famille, tout ça, tout a l'air plus moderne, plus égalitaire, ouais. Ouais, c'est juste une impression, on est dans le non-dit, hein. Moi, j'extrapole ce qu'on voit là-dedans, là, mais et l'image aussi du prêtre, là. Donc, c'est des hommes, c'est un monde d'hommes, ça, hein, justement. Alors, le prêtre Adélard Delorme, qui est dissolu, je pense même qu'il parle à un moment donné qu'il rencontre des femmes. Ça va jusqu'à là. Il y a rien qui dit pas. Il aime les grosses voitures, c'est ça. Il aime fumer, ouais. Il aime boire. Ouais. Il serait pas pire à Silicon Valley à cette heure. Et le personnage de la femme, autant que les gens qui gravitent autour de l'enquête, évidemment, c'est pas des personnages historiques, mais ça permet, puis on revient un peu à un point qui avait été amené, le côté enquête. Donc, on réussit, malgré ou grâce à une recherche historique et le reste, à créer un récit qui, au-delà de cette historicité-là, est un thriller policier, où on va chercher quelque chose qui est souple, qui est facile à lire, qui est... Alors que ça répète quelque chose de très, très touffu. Parce que c'est une histoire complexe. Très complexe. Et ce qui aide, à mon avis, est le choix judicieux de la façon de raconter et du dessin. Parce que là, je m'en viens avec les affaires plates. Je parle toujours du dessin. Puis de il y a du dessin dans les BD? Et c'est toujours... Alors, je pense que ça... Là, c'est pas nouveau pour personne. J'ai toujours dit que moi, la BD reportage et tout, ça m'ennuie toujours un peu. Mais parfois, il arrive que ça devient intéressant. Et là, l'idée, c'est pas tellement l'histoire, c'est le choix judicieux qu'on a fait au niveau d'aller chercher l'artiste, l'auteur, le dessinateur et la façon de raconter. On a choisi une façon classique de raconter. Ce qui vient appuyer non seulement cette histoire, cette enquête minutieuse et rigoureuse, mais aussi à l'époque à laquelle ça se faisait, dans les années 20. Dans les années 20. Donc, tout ça est d'une grande minutie, d'un grand classisme, et ça aide, je crois, à nous imprégner. Beaucoup de plans larges. Du climat de la chose, mais aussi de l'époque. Et je pense, et là, on en viendra quand Édouard aura fait cette magnifique transition vers noir. On en arrivera avec le choix graphique de cette biopic aussi. Mais là, je pense que une des grandes qualités de cette histoire-là que moi me fait embarquer, et Dieu sait que le classique est une histoire, mais là, ensemble, cette façon de raconter-là aide beaucoup à garder l'intérêt. Oui, en fait, un côté peut-être un peu rétro qui nous permet d'ancrer un peu dans l'histoire, dans l'époque, l'intégration de coupures de journaux, de titres. Donc, il y a une belle recherche esthétique, mais dans le contexte où j'ai l'impression que Mabi, c'est que dans ce contexte-là, le dessin, sans nécessairement s'effacer, le dessin doit se faire un peu plus discret. Donc, c'est pas une BD qui, à mon sens, aurait servi avec des grands concepts graphiques. Il faut aller avec quelque chose de simple, qui est efficace. C'est ça, la modernité n'est pas dans le fait de choisir une façon de raconter ou un truc plus d'aujourd'hui. Ça se veut vraiment s'effacer pour l'histoire, un truc qui... comme tu disais, est tombé un peu dans l'oubli, ramener la chose. Alors, il faut comme faire en sorte que le dessin et tout s'efface. Parce qu'il y a plusieurs histoires dans cette histoire-là. Il y a l'histoire des rapports entre les anglophones et les francophones. On le voit à travers la façon dont on va juger le... Oui, puis l'incompréhension que les anglophones ont de pourquoi. C'est quoi votre problème? Les rapports entre les hommes et les femmes, quand on dit à la journaliste « ben va où sont tous les journalistes à la taverne? » Parce que les femmes n'ont pas le droit d'aller à la taverne. Donc, il y a plusieurs strates de la société qui sont représentées dans cette bande dessinée-là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Mais je veux juste terminer parce que là-dessus justement c'est à quel point ça va être une photo du Québec de cette époque-là. J'étais curieux parce que l'affaire de l'or, moi non plus, je n'avais jamais entendu parler. J'étais curieux aller glaner un peu sur Internet et l'image, entre autres, qu'on voit quand ils trouvent le cadavre, est carrément pris. On voit la même photo dans une coupure de journaux. Les personnages aussi, dessinateur dit que c'était inspiré des photos d'époque pour dessiner quand c'était possible les personnages. Et semble-t-il qu'il y a même eu un dossier mystère là-dessus. Ou une série de types dossiers mystères. En fait, mais c'était sorti dans des... Et tout, là. Qui sait? C'est vraiment passionnant. Oui, mais c'est... je suis content, en fait, que Marco amène ce point-là, parce que c'est un aspect, évidemment, le classicisme, la chose que j'avais pas remarqué de prime abord, mais c'est vrai en même temps qu'on on fait, en fait, du lecteur une espèce de partie prenante de la chose, autrement dit, presque comme si nous-mêmes, on était un témoin, on était quelqu'un de l'époque qui suivait ça dans les journaux, qui suivait ça dans les... Et comment ne pas faire le parallèle, bien sûr, avec Émilie Plateau? Parce qu'Émilie Plateau, elle, ne passe même pas par la bande. On est Claudette Colvin. C'est son mode de narration. On vit, on vibre à travers la vie de cette jeune femme-là qui un peu comme Rosa Parks, parce qu'on va voir que, bon, et c'est un peu la force de cette BD-là qui joue, je pense, à deux niveaux, à deux degrés. C'est-à-dire qu'on a, bon, Claudette Colvin qui précède un peu Rosa Parks et qui, bon, pour tout un paquet de circonstances que je veux pas trop non plus évoquer, laisser les gens découvrir la chose, mais qui, donc, qui va être un peu effacée, un peu tassée dans l'oubli. Mais on a, au-delà de ça, en superstructure, encore une fois, comme Jérôme l'évoquait bien, la place des femmes, qui elle-même, Rosa Parks, qui oui devient un peu la flamme, devient un peu ce qui enflamme le trou, mais va être elle également complètement évacuée. Parce que ce sont les femmes au départ qui vont avoir le courage de protester. Qui ont mis de la main. Contre la ségrégation, mais c'est les hommes qui vont récupérer. Et c'est même au départ, ils n'étaient pas là. On était allé chercher. Non, c'est ça, une scène magnifique où justement, ouais, c'est la réunion des hommes qui disent là, mon Dieu, les femmes sont dans la rue, sont en train de faire de quoi? On est en train de passer pour une gang de tweets, là. Ça serait le temps qu'on agisse, qu'on boycotte, qu'on fasse quelque chose. Je veux dire que ça risque d'être dangereux. Oui, c'est ça. Et c'est étrange de voir cette double. Tu sais, la dichotomie entre. On se bat ensemble désespérément pour faire avancer un point, pour faire avancer une égalité, alors que en même temps, on a comme pas le réflexe. Oui, on travaille pour l'égalité des peuples, mais pas des sexes. Ça, on n'était pas encore rendu là, comme s'il y avait comme un ordonnancement. Ouais, c'est comme une chose à la fois, on n'est pas encore à cette place, c'est bien particulier. En fait, c'est bien mis dans la bande dessinée hein, d'Émilie Plateau, c'est non seulement t'es un noir, mais t'es une femme noire, donc t'es moins que rien. Là, mon elle dit ça comme ça, là, c'est brutal. Ouais, ça, c'est dur, c'est dur, mais ça nous explique aussi quelle réalité c'était, parce qu'on peut pas... On peut pas s'imaginer, je veux dire, vivre une ségrégation constante, quotidienne, même si on a été élevé là-dedans. Je peux pas m'imaginer tout le stigmate que ça doit créer. Là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la priori graphique, parce qu'on parlait du visuel dans l'affaire de l'homme, on disait que c'est assez classique. Dans noir, on va avec quelque chose qui est plus conceptuel. On nous éloigne un peu, enfin, on nous met un peu en vue d'œil autour de tout ça, mais on essaie quand même de créer des mécanismes qui... nous permettent de percevoir ou de saisir certains éléments. Et entre autres, le personnage de Claudette Colvin, quand elle apparaît au début, elle est blanche, elle n'a pas de couleur particulière. Et tranquillement, la couleur vient, comme c'est le cas pour l'ensemble des personnages noirs, quand ils sont ramenés à leur couleur et quand on sent bien que c'est à travers le regard des autres, finalement, qui leur donne, qui leur dicte, qui leur impose cette différence-là. Moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est les images vraiment au départ qui m'ont frappé, les dessins. C'est qu'elle nous amène, on est dans l'univers, on descend, s'en va en Alabama, puis elle choisit de présenter la réalité de Claudette dans des petits carreaux, dans des tout petits segments. Donc, elle est petite. On a ce sentiment-là presque de ne pas exister. J'ai senti aussi comme une espèce de solitude dans ce dessin-là. Le fait que le dessin soit si petit, on avait ce sentiment-là de cette solitude, de ce peu d'importance qu'on a sur la planète. Mais c'est ça qui a... Effectivement, cette solitude-là, mais ce qui vient appuyer vraiment l'histoire de Colette et que ça reste dans notre temps, c'est le minimalisme. C'est-à-dire, le dessin est en fait le minimum qu'on peut te dessiner. Il n'y aura jamais de close-up. Il n'y aura jamais... Et ça sera toujours le personnage avec un décor minimal. Et le texte aussi, il ne faut pas oublier, le texte est... minimum une phrase, d'autant deux dans le top. Et là, cette phrase-là vient avec le texte, et ce qui te reste, c'est « on t'imprègne ». On t'imprègne à chaque image, on t'imprègne de l'histoire, de la vie. Et parfois, quand on veut mettre un événement, on y va sans texte, mais avec une série. Ouais. Une série, un événement découpé rapidement, et on passe à l'autre. Et quand on veut y mettre appuyer l'émotion, les pages sont noires. Ça, c'est et ça. Là, ça c'est et voilà. Là, on dit, et voilà, on t'arrive, là, Colette, tel événement, tel, telle date, bang! émotion, page noire, et on recommence. La scène la plus brutale, d'ailleurs, c'est une page complètement noire. C'est vrai, c'est ça. C'est la scène la plus horrifiante de ce. Et c'est fou comment ça fonctionne. Ces petites phrases, ces petits dessins, t'es prêt et tu restes avec le. C'est comme si on te donnait que des faits. En fait, ça me rappelait beaucoup les fameux. Musicographie qu'on écoutait quand on prenait un pas, c'était toujours la même chose, mais tu sais, l'émission durait une heure, on te faisait 20 ans d'histoire d'un groupe de musique avec deux photos, puis la même toune qui n'était pas d'eux autres. Et puis ça restait, là, les deux photos apparaissaient, puis à des moments qui n'ont rien à voir. Et là, ça me faisait le même effet. Les petits dessins et la phrase qui sont punchés au fur et à mesure de la lecture, ben, ce qui restait, c'était vraiment la vie de. Et peut-être ajouter que c'est une bande dessinée qui est adaptée d'un roman de Tania de Montaigne. Et je suis allée voir les premières pages du roman. Et Émilie Plateau, elle a dessiné pratiquement mot pour mot le roman. Parce que je me disais, est-ce que c'est son invention? Est-ce que c'est elle qui a choisi de présenter le dessin comme ça? Mais il y a eu vraiment... J'ai pas lu tout le roman, bien sûr, de Tania de Montaigne. Mais il y a vraiment... On a l'impression qu'on lui a proposé une partition qu'elle l'a joué, mais avec énormément de talent. Oui, en fait, ben c'est un style qui est très direct, qui va au fait, et celui de Marion Montaigne, justement, est un peu dans cette logique-là. On y va directement, c'est clair, c'est précis, c'est sans artifice. Et un peu comme sa BD, en fait, ça revient un peu à ce que tu disais aussi, c'est sans artifice, c'est simple, mais il y a assez de décors, il y a assez de Montgomery pour qu'on sente un peu l'ambiance. Le côté peut-être oppressant aussi de la ville, du reste, c'est assez éloigné pour nous permettre de compléter, si on peut dire, l'expression, le côté émotif de la chose, où on place un peu notre perception, on s'approprie, si on peut dire, ce personnage-là dans cette lecture-là. Il faut beaucoup de talent pour réussir à faire passer de l'émotion et des sentiments dans un dessin gros de même. Moi, quand c'est réussi, quand ça passe, c'est réussi. Là, je veux dire, tu sais, mon exemple a toujours été la même chose, c'est dans Pixar. Comment il s'appelle le robot? Wally. T'sais, Wally est une boîte carrée grosse de main, puis du bras, il y a la fin. Là. Et c'est... Mais ça non, aussi, non, mais moi, c'est une boîte carrée, là, Wally, puis tu bras, là, parce que. Et c'est ça que ça fait. Moi, ça fait ça. C'est une des choses qui m'a frappée dès les premières pages, c'est l'émotion. Ça, je me suis vraiment sentie transportée, mais le sentiment d'injustice, de solitude. Parce que l'injustice, ici, elle est à peu près dans toutes les strates du récit. Oui. Dans la grande comme la petite histoire. Imaginez, c'est tellement injuste. Claudette Colvin, c'est la première. Elle a 15 ans. Elle va avoir le courage de s'assumer, de ne pas se lever, de dire non, je suis un être humain à part entière. Et on ne retiendra pas son nom parce qu'elle n'a pas le prototype de l'héroïne parfaite. Et on dirait qu'en fait, la couverture elle-même n'annonce pas nécessairement le côté émotif qui est là, qui nous prend peut-être un peu par surprise, où après quelques pages, subitement, on se laisse prendre par l'expressivité qu'Émilie Plateau offre à ses mini-personnages et par l'ambiance, parce que c'est vraiment fait, à mon sens, d'abord et avant tout, un livre d'ambiance, et on se fait imprégner par cet ensemble-là, qui, un peu comme pour l'affaire de l'homme, on disait tantôt, le côté visuel, c'est les choix qui font fonctionner. On pourrait difficilement s'imaginer l'histoire racontée autrement. Je veux dire, en termes de choix graphiques, si on me disait, on mettait en face du texte, j'aurais difficulté à voir autre chose que l'interprétation qu'en offre Émilie Plateau, parce qu'elle réussit à trouver un équilibre qui fonctionne bout en bout et qui va aller nous offrir l'effet qui me semble qui est recherché justement par l'autrice. Ben, c'est la marque, je pense, aussi, hein, de ceux qui, je pense, des BDistes qui maîtrisent bien leur sujet, qui ont compris quelle approche, qui ont défini quel genre de truc ils voulaient avoir pour ce sujet-là. Et on le voit bien, justement, je pense que vous l'avez bien évoqué, c'est l'impact que ça crée. On approche ça d'une manière, de fond, très innocente, presque enfantine, pratiquement, et puis là, tout d'un coup, on est pris dans tout ça, dans les silences, dans la... Et je pense que c'est un peu le même effet, en fait, parce que je dois le reconnaître, à ma grande honte, je n'avais pas encore lu les deuxièmes. Ah, ben ça, je suis contente! Je veux dire, je connaissais, bon, évidemment, l'histoire, un peu le processus, mais j'avais pas eu la chance de me plonger dans tout ce symbolisme-là, dans tout ce travail-là, dans toute cette ambiance-là. Et donc, c'est un peu le point que je trouvais aussi avec toi. On est encore dans une ambiance. Et pour transitionner avec ce que j'évoquais au tout début, on est encore dans l'oubli. C'est vraiment l'homme des transitions. L'homme des transitions. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux personnes qui vont oublier leur vie de tous les jours. Ils vont aller l'oublier ensemble. Ils vont aller s'oublier eux-mêmes un dans l'autre. C'est drôle. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à l'oublier à la fin. Là, mais... Non. Ils n'y arrivent pas, mais c'est quand même ce qu'ils essaient, ce qu'ils essaient d'atteindre. Tu sais, je veux dire, la finalité de tout ça, même le Mais c'est une BD, une saveur douce amère un peu. Oui, ça fait mal, cette BD-là. Oui, tout à fait, mais cette somptuosité, bien sûr, de la fameuse partition amoureuse, de l'idée de la symphonie amoureuse. Ça, c'est absolument magnifique. Je veux dire, c'est absolument hors barème. Ça, je veux dire, c'est un des moments marquants, je pense, de la BD québécoise, au cours de juste avoir eu cette finesse de composition là, c'est extraordinaire, mais c'est tout ça aussi. Quand je parlais d'ambiance, quand je parlais de comment elle nous plonge, je veux dire, c'est unique, c'est on est là-dedans, on essaie de décortiquer la plante, on fait les parallèles avec le reste. C'est un moment de huis clos, on est avec le couple, on est un petit oiseau sur le bord de la fenêtre et on partage ça, oui, les parce trois que c'est ensemble. Très intime. Sviane, c'est une musicienne qui a utilisé donc ses connaissances, une musicienne de haut niveau. Et ce que j'avais pas vu à ma première lecture, puis que j'ai remarqué à ma deuxième lecture, on a l'abécédaire un peu de cette partition amoureuse-là qu'elle va nous proposer. Elle m'avait raconté qu'elle avait mis sur la première page. Et je me disais, en l'écoutant, puis après on la voit en note, annotée, mais on la voit aussi avec le nouvel abécédaire qu'elle a formé, je me disais, j'aimerais ça l'entendre, cette musique-là. Est-ce qu'un musicien, moi je ne suis pas musicienne du tout, est-ce qu'un musicien serait vraiment capable de faire des croches, les noirs, tout ça, puis d'être capable de jouer à quoi ça ressemblerait la partition d'une rencontre amoureuse, du désir, de l'orgasme? C'est quand même extraordinaire. Et la façon dont c'est dessiné, c'est très beau. Il y a quelque chose de très beau, de très grandiose dans la façon dont c'est dessiné. Et ça me fascine, en fait, de voir ça dans le contexte du travail de Sviane, où, dans le fond, ça et Apnée, c'est un peu des deux œuvres qui se distancent peut-être du reste dans un style visuel, où on est un peu ailleurs, où on sent que Sviane explore d'autres facettes, d'autres éléments, mais toujours en respectant ses thématiques, son cadre, le côté musical et le reste, mais elle nous amène dans quelque chose de profondément intime, de profondément intimiste, et avec quand même beaucoup de retenue aussi, dans la mesure où il y a un côté très épuré dans ce qu'elle va nous offrir là-dedans, mm-hmm, aussi, mais qui est épuré différemment du reste de ce qu'elle nous offre. Là. En fait, ces deux, Apnée et les deuxièmes, sont une espèce d'exploration en bande dessinée, parce que les autres œuvres qu'elle a faites tenaient plus du journal, de la chronique ou du journal de voyage, du carnet de voyage. Qui est très amusant et tout, mais là, en bande dessinée, ces deux-là font comme une exploration à la fois de Apnée et dans l'esprit, et les deuxièmes et dans le corps. Tout à fait. Mais j'ai toujours eu une affection particulière pour les auteurs et les autrices qui viennent du milieu de l'animation. Et quand ils y arrivent en BD, c'est comme si, OK, ils essayaient de... Et dans le cas de Apnée, qui était plus de l'esprit, mais elle arrivait quand même. Et là, le mouvement dans les deuxièmes, même si c'est deux... C'est un couple. Même si c'est deux êtres humains qui, une fois par année, se rencontrent et décident... Même si se joue... Ce voyage immobile, parce qu'ils sont presque tout le temps dans le lit, dans la part, ce voyage immobile, il y a un mouvement qui n'arrête... Le mouvement ne s'arrête jamais dans... sa façon de raconter, où elle varie les séquences des cases, où elle... Et c'est extraordinaire. Les deuxièmes est, à mon avis, un des chefs-d'œuvre. Sérieusement, c'est extraordinaire. Moi, dans mon top 10, tout compris, il en fait partie. Là. Et cette façon de raconter avec le jeu des lumières, là, tu es en train de feuilleter, on voit l'ombre. Ça fait l'ombre. Moi, j'ai trouvé ça formidable. La durée, en fait, de manière magistrale là-dedans, ouais, c'est ça. Le temps. À la Hugo Pratt, parfois, dans le sens qu'elle met plusieurs cases l'une à côté de l'autre, puis là, tout d'un coup, voilà. Dans une seule, il y a un mouvement tout d'un coup. Il y a juste un élément qui nous fait, comme Hugo Pratt, ouais, on pense fort là-dessus, là. On pense à la scène du cimetière dans Tango, et où juste la cigarette de Cortot nous montre que le temps avance et que l'image change. Et c'est la même chose pour ça. Puis dans les deuxièmes, et d'autant plus important que c'est dans l'intimité là, très très profonde des personnages. Là, moi, vraiment. C'est ce que je trouvais extraordinaire, c'est d'être capable de décliner l'intimité dans tellement de registres, de subtilités. C'est toutes les petites choses que les amoureux de toute la planète partagent, mais qu'on ne peut pas vraiment décrire, qu'on ne peut pas vraiment raconter. Et elle réussit à faire ça. L'humour, l'intimité, le plaisir, la joie, la chicane, l'anxiété aussi, tous les non-dits quand l'autre nous blesse, puis on fait comme si ça ne nous blessait pas pantoute. On pense vraiment, en fait, c'est qu'il y a un flow émotif là-dedans où on va être mal à l'aise à un moment donné, où on sent leur malaise. À un autre moment, on se laisse emporter, ça devient très sensuel et sans rien montrer, justement, on en parlait tantôt, mais sans rien montrer, c'est extrêmement sensuel aussi. Ensuite, on nous amène vers d'autres choses. Et tranquillement, le vide se resserre. Donc, il y a vraiment, en fait, c'est un parcours émotif. J'ai l'impression que la richesse, c'est aussi que le parcours n'est pas imposé et chacun va y aller un peu de ses propres expériences, va se transposer dans un ou dans les deux personnages ou dans l'oiseau. On va vivre le moment et on va recevoir le moment un peu à travers notre filtre à nous parce qu'il n'y a pas de violon, il n'y a pas de musique en arrière qui impose une lecture X, Y, Z de tout même ça. Même s'il y a de la musique partout. Même s'il y a de la musique partout, oui. En fait, même au-delà de ça, je dirais qu'il n'y a pas de musique, mais... Je vous entends parler, puis c'est comme ça me frappe. C'est carrément ça, là. C'est une symphonie transposée. Elle a fait, en fait, en faisant sa BD, ce qu'elle met dans la BD. Parce que regardez la façon dont le couple interagit avec ces moments de crescendo très fort, ça retombe, on le suit comme on suivrait une symphonie avec ses moments plus lents, ses grandes montées selon ce que le compositeur voulait raconter. Mais c'est un peu le même principe à quelque part. Ça fait même le trip de dessiner une page couverture de partition avec énormément de détails. Oui, vraiment, ça, ça justement, par exemple, ça me fait penser, j'avais lu à l'école quand ils avaient republié les strips qu'elle avait fait sur le net là, quand elle commençait sa carrière de BD. J'avais lu ça après avoir lu les deuxièmes, puis je trouvais ça touchant de retoucher à cette bande dessinée-là, parce que là, à l'école, bon, c'est plus pour ceux qui veulent absolument compléter leur carrière, mais on voit Sviane comme artiste extrêmement déchirée entre « je veux faire de la BD » et « je veux faire de la musique » constamment. Et c'est un thème qui revient régulièrement. Hein? La musique est centrale dans son œuvre. Et bon, on reconnaît beaucoup son côté. Ah oui, je fais des trucs pour rigoler. Le bestiaire des fruits, c'est sûr, on va rigoler là, quand on va lire ça. Mais pour moi, dans les deuxièmes, c'est une artiste où, finalement, là, on voit de où elle est partie dans l'école. Et quand elle réussit à faire ça, cette œuvre-là, au niveau du dessin, qui est absolument magistral, dans le décor, dans les personnages, les expressions des personnages. Tout à fait. C'est absolument magique. Pour moi, c'est comme c'est, ça venait d'atteindre... C'est assez déchirant aussi. Oui, on finit la BD, là, puis on a le cœur. Mais cette BD-là est parfaite. Cette BD-là est parfaite. En fait, c'est ça. Puis on a le scénario de ça, il tient en trois mots. Là. Oui. Je veux dire... Mais c'est là le talent. Faire un scénario aussi mince et en faire un truc, et d'une maîtrise de... Tu parlais de crescendo, mais les mouvements, ça... Savoir quand, quoi faire, comment le raconter et tout. Parce qu'en fait, c'est une des plus belles histoires. J'en ai pas lu des tonnes, mais des histoires de pacte amoureux. Tu sais, cette fameuse histoire d'amour où tu dis, regarde, on se rencontre une fois par année et c'est une histoire de cul, puis bonjour la visite. Mais c'est beaucoup à chaque fois, ça. on le sait à chaque fois. Il y en a un des deux qui va. Voilà. C'est comme une histoire d'amitié. Mais il y a un moment donné, il y en a un des deux qui va. Et là, c'est magnifiquement illustré, ça. Et ça tient à rien, là, le scénario, c'est ça. Mais elle sait comment l'amener en image. Et c'est ça. Ah ouais, c'est vraiment extraordinaire. C'est ça. La maîtrise d'un médium. C'est une auteure qui a de l'esprit aussi, également. Elle l'a toujours montré. Donc, ses personnages ne sont pas ennuyants dans leur intimité. Hein, ils sont à manger, ils ont du plaisir, puis on a du plaisir avec eux autres. Ils parlent de musique, la manière dont ils en parlent. Le gars qui fait son show-off, évidemment, quand il arrive pour faire le sexe oral à sa compagne, il lui cite un poème qu'il a appris par cœur. Oh. Ça fit au bout. C'est ça. C'est Sviane. Ses personnages ont de l'esprit. Elle a de l'esprit. Ses personnages en ont. Donc, même dans l'intimité, on ne s'ennuie jamais avec cette BD-là, malgré tout. T'sais. Puis j'ajouterais aussi peut-être le fait que c'est important justement qu'on sente que les personnages s'amusent, parce que justement ça nous permet de croire aussi rapidement à leur histoire, de comprendre pourquoi ils ont envie de se revoir, puis après ça, ben, d'extrapoler pourquoi ils ne vivent pas plus ensemble au-delà de ces moments-là, parce que c'est la porte qu'on ouvre, c'est l'autre. Voyons, ils sont parfaits ensemble. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et Diane a le génie de pas nous offrir cette réponse-là, de nous offrir plutôt l'opportunité d'ouvrir cette porte-là de nous-mêmes et de pas nous imposer quelque chose qui aurait peut-être justement floué un peu le moment dans lequel elle nous invite si elle avait eu une interprétation trop carrée. Mais ça pose même la question de la notion de la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce que la réalité, c'est les 360 jours où ils se voient pas? Ou les quatre jours où ils sont véritablement eux-mêmes, on l'imagine. On peut poser la question aussi. J'ai mal au cœur. Moi, cette belle-là me déchire à chaque fois. Oui, mais c'est l'intensité, c'est l'intensité de ce qui se vit, mais c'est aussi... Je pense que tu le vois dans l'interaction qu'ont les deux, la façon dont ils sont authentiques un avec l'autre. Et en fait, non seulement authentiques, mais ils sont complets. Et c'est... je pense, ce qui fait la force du couple, c'est ce qui fait qu'on a deux personnes, deux personnages, alors que dans les petites distances. Ah, quelle belle transition! Wow! Ah, non, ben, je les ai travaillés quand même. Non, c'est tout improvisé, hein, je vous dis. Mais alors que dans les petites distances, ben, justement, ce qui en est ressorti, pour revenir encore à l'oubli, c'est que si. C'est pas. Parce que oui, bon, c'est l'impression que la personne, tout le monde oublie. Mais moi, j'ai eu l'impression que c'est le personnage qui s'oublie lui. Puis qu'à force de s'oublier lui, il devient invisible aux autres. Et c'est seulement quand il va prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il va aller chercher, que là, tout d'un coup, ce qu'il désire, ça se matérialise pour lui. Parce que je pense... Non, mais c'est le double. C'est le côté du reflet inversé. Je sais pas si c'est à cause de ceux qui restent qui m'avaient marqué, qui a changé trop de perspective comme ça. Mais c'est d'essayer de se mettre de l'autre bord du spectre et de dire, oui, les gens le voient pas, lui les voit, mais tu sais, pourquoi tout d'un coup, il s'étiole sur les gens qui le laissent aller, ou c'est lui qui a pas pris sa place, dans le fond, ou qui a laissé sa place. Il sait pas comment s'effacer. Être. Exactement. Oui, parce qu'à un moment donné, on sent que après le choc initial de disparaître, justement, qu'au contraire, il y avait à prendre goût de cette relation-là, qui l'apprécie, qui est très heureux, qui est confortable, et éventuellement, justement, il va avoir un balancier qui va changer son confort, qui va l'amener à remettre les choses en question, qui va le remettre un peu en mouvement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrive, de remonter vers ses origines familiales, de creuser un peu, d'aller vers ses parents. Il reste parce que il y a vraiment un bon tiers du livre qui est en complet immobilisme, si on veut, en complaisance. Et là, tranquillement, elle se remet en marche. Et là, on retrouve un peu vers l'acceptation dont tu parlais tantôt. Donc, la structure du livre, le scénario de Véro Caso, je trouve bien équilibré, en fait. Et il y a quelque chose... en fait, d'un peu, je dirais que c'est peut-être la BD la plus classique dans la structure, peut-être aussi dans celle qu'on a lue. Il y a quelque chose de joyeux, je trouve, dans le dessin, dans l'utilisation des couleurs. Il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même. Ça, c'est ce qui m'a frappé. Vraiment, cette espèce de côté très joyeux, lumineux dans la bande dessinée, même dans La Disparition. Mm-hmm. Mais en fait, moi, j'ai un problème avec celle-là et c'est pas du tout. Les scénarios de Véro Caro, c'est le deuxième que je lisais et je trouve qu'il y a de quoi faire là. Elle raconte, elle a de très bonnes idées. Est-ce que c'est le dessin? Le problème pour moi, c'est que cet album-là arrive après Betty Boop. Ah. Alors l'idée de Betty Boop, le scénario est d'une simplicité aussi, mais évidemment Julie Rochelot, qui part avec cette idée-là et qui nous donne Betty Boop, et c'est un album extraordinaire. Ils sont une idée de scénario de cette opération. Ouais, c'est ça, après un cancer, une fille qui s'est fait enlever un sein et qui essaye de retrouver tout ça sans un mot. Écoute, c'est magistral, cet album-là, et l'idée de ça... C'était, finalement, ça va me coûter cher de sortir d'ici, c'est voilà, ce que je comprends. Probablement. C'est un guet-apens, cette affaire-là. On vous invitera à passer à la section. Et cet album-là qui arrive après, Véro Caro arrive avec une autre idée aussi, tout ça. Et là, moi, c'est là mon problème. Le dessin, il n'y a rien à dire côté dessin. Il n'y a rien à dire. C'est un joli dessin. Ça, c'est joli, bien raconté. La joliesse dans... C'est, ouais. C'est bien. C'est, ça s'applique. Mais avec la force... du précédent album de l'univers de la façon de raconter de Julie arrive ça, là il y a comme ça tombe un peu, pour moi ça tombe un peu à plat. Il y avait de quoi faire avec toute l'idée du gars qui disparaît, un peu le fantastique légèrement, parce qu'elle a conscience qu'il est là. C'est elle ne sait pas pourquoi, mais elle sait qu'elle se sent bien, qu'elle est capable de dormir, elle attrape le rhume quand il y a le rhume. Mais ça reste quand même un bon album. Mais l'idée, c'est un peu, pour moi, ça a été un peu long d'en arriver. Il n'y avait pas de... En fait, c'est ça. C'est quoi? Il n'y avait pas de surprise. Sans surprise. Voilà. Moi, je ne savais pas où on s'en allait, j'avoue, au début. Je ne savais pas si c'était une histoire surnaturelle, si c'était une histoire d'amour, si c'était l'histoire d'une quête de soi-même. Moi, j'ai pas lu tout ce que vous avez lu. C'est sûr que ça change ma perspective. Plus on lit, plus on est difficile, plus on a des attentes, plus on est difficile à impressionner. Donc, moi, comparé à vous, là... Non, mais ça c'est beaucoup parce que Marco, t'as une vieille barbe. Hein, vieux sage. Mais non, mais au-delà de ça, mais je pense qu'il y amène encore une fois un point qui est toujours... C'est intéressant, ouais. Qui est intéressant et qui est difficile. C'est que... Et c'est le cas pour la BD, mais je pense que c'est le cas en général pour n'importe quelle œuvre. Je veux dire, quand on atteint un certain niveau où les gens déterminent qu'on a atteint un certain niveau d'achèvement, de complétion. On parle par exemple justement encore des deuxièmes. Est-ce que Zvian ne se retrouve pas pour ça le reste de sa carrière à essayer de faire... On attend le prochain deuxième. On attend le prochain... Comme on attend, je sais pas, le prochain Métabaron, ou on attend le prochain... mais, je veux dire, une épiphanie d'une vie... Si on en a une, c'est déjà beaucoup, beaucoup. En vivre 3-4, ça commence à être quelque chose. Là. Donc, c'est sûr que... Je ne veux pas dire que c'est documentaire, mais c'est quasiment ça. C'est comme si on a notre opus trop tôt dans notre carrière, on devient comme un féodé à lui, et puis on se retrouve toujours à être un peu à la remorque, à soit essayer de le répéter sans trop le répéter, à essayer de le ramener sans trop sans que ça soit exactement ça. Mais c'est peut-être juste un peu ça aussi qui arrive avec les petites distances. Aussi, si on pose la question à l'inverse, en fait, parce que Marco amène la question du dessin en disant, mais dans le fond, est-ce qu'on aurait dû s'éclater plus? Est-ce que, parce que j'ai pas lu d'entrevue spécifique là-dessus, mais d'un côté, on peut se dire aussi, est-ce que c'est un choix qu'ont fait les autrices de prendre cet a priori-là, ce parti pris-là, pour avoir un dessin, une ambiance qui est, somme toute, Anne-Josée le disait, qui est joyeuse. Il y a quelque chose d'enfantin. Oui, puis oui. Dans le contexte d'une histoire qui aurait pu être tragique. Avec d'autres choix, on prend exactement la même histoire, on crée un monde un peu, le monde fantomatique, qui aurait pu être plus agressif, plus sombre. On nous amène ailleurs, donc on choisit, un peu comme, je me rappelle, la boulet avec Pédale Bagieux dans la page blanche, ça répète aussi complètement autre chose, mais on choisit d'aller avec un récit sympathique, un récit souriant, un récit estival, dans le sens galvaudé de ce qu'on pourrait en dire, en disant, ben, vous savez, vous imaginez dès les premières scènes comment ça va finir, et on s'en va vers là, et c'est pas toujours mal d'être prévisible. Mais non, tout à fait. Et là, la précision, c'est ça. C'est le choix des autrices et du scénario. Et là, il convient parfaitement à cette histoire-là. L'idée n'était pas là. L'idée, c'est moi. Ce qu'on aurait pu en faire. Ça aurait non, pu être c'est mieux. Moi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai été moins intéressé par celui-là que par d'autres? C'est ça. Mais... En fait, Betty Boop, ce qui rend l'œuvre magistrale rendu là, c'est Julie Rochelot. Là, c'est, elle ne travaille pas là-dessus. Mais le scénario. Cet album-là, ça n'enlève pas que c'est un excellent album qui raconte une très bonne histoire. C'est ça, là. Le choix est là. Ça, et effectivement, en quelque part. C'est l'ombre de Betty Boop qui est au-dessus. En fait, merci pour ton analyse, ça coûte pas cher. C'est pour ça qu'il n'y avait pas au micro dans le fond. Edouard disait que c'était l'ombre de Betty Boop qui. Ouais, qui planait sur Marco. Voilà, alors peut-être qu'effectivement, j'attendais le prochain Betty Boop et qui n'est pas venu. Mais c'est sûr que si on joue dans les quatre albums et qu'on le met en relation, c'est celui qui est quand même le plus léger, qui est le plus divertissant. Et ben, en fait, du moins qui vise d'être divertissant. Ça change pas le sens de la vie, là, on parce s'entend. Que les autres sont divertissants aussi. Mais celui-là, on sent que l'objectif était le divertissement d'abord, tandis que dans Noir, il y a une dimension de divertissement. Dans le fond, je veux dire, c'est un moment... qui est agréable, qui est passé, mais qui suscite des grandes questions, des remises en question. Il y a l'injustice aussi dans mes livres. Oui, effectivement. C'est vrai, je le remarque, là. J'avais pas pensé, c'était une notion qui revient aussi un peu dans tout ça. Oui, c'est vrai que les quatre, encore un beau point d'ancrage aussi, ou l'injustice. Hein. En fait, c'est l'avantage de ne pas proposer d'ancrage particulier. On en trouve chacun un, puis finalement, chacun avait trouvé un peu son ancrage en disant « Ah, telle thématique », mais finalement, l'oubli, on était quand même 2-4, donc je pense qu'on a gagné. Ah ouais, t'avais trouvé l'oubli aussi? Ouais, l'oubli, la disparition, là, j'étais un peu dans ce spectre. Ah non, on a gagné, c'est sûr. On a gagné. J'ai déjà oublié de quoi on parlait, moi, fait que... Peut-être, en fait, si on fait un tour de table de fermeture, de clôture, qu'est-ce qu'on a pensé un peu des albums? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on retient particulièrement dans ces lectures-là ou dans ces relectures-là? Alors, je regarde Marco, puisque tu as un micro et tu es à côté de moi. En fait, encore une fois, l'expérience de partager est encore réussie. Et encore une fois, l'idée d'inviter quelqu'un, en fait, en sorte que ça nous a encore sorti de notre zone de confort, nous les quatre, parce que ceux qui nous suivent à l'émission La vie en BD, ce club de lecture qui est là. Je me doutais bien que ce n'était pas nécessairement vous. Et je regardais ça et c'était un beau challenge de les lire et de les relire, mais de nous amener à en parler avec tout le monde. Et je pense que c'est encore une fois réussi et je pense que la formule, on va la garder pour un temps avec ces invités-là qui viennent diversifier un peu nos goûts et notre... Mais l'idée... Je vous ai enlevé vos œillères, finalement. L'idée, c'est de partager... Parfait. Puis dans quatre styles qui sont quand même radicalement différents, parce qu'on sent, Anne-Josée, que tu as pris le soin de ne pas nous amener dans des univers qui étaient similaires, donc dans deux visions de la BD historique, dans quelque chose de plus conceptuel, dans quelque chose de plus classique, dans quelque chose de plus policier, dans quelque chose de plus, peut-être, à la limite, philosophique, à un certain degré, dans deux formes d'intimité, deux histoires d'amour qui sont basées un peu sur les non-dits, sur une certaine absence, une peut-être plus classique, l'autre plus éclatée, les deux, en fait, chaque univers un peu se complète et... Il y a donc une... Je trouve, en fait, une sélection qui était complémentaire, disons-le comme ça. Au-delà du choix, que je tiens encore à dire merci, parce que c'est vraiment quatre magnifiques BD. Et comme j'avais l'occasion d'en parler avec des collègues aussi, c'est que justement, puis bon, la BD, c'est comme n'importe quel domaine de lecture. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'horizons à explorer. On essaie de faire ce qu'on peut, on essaie d'en regarder, mais c'est sûr et certain qu'il y a un paquet de bons trucs qui nous passe en dessous du nez. Et encore une fois, pour ces quatre-là, je suis fort content parce que c'est peut-être pas des BD auxquels je serais nécessairement allé de prime abord, mais encore une fois, quatre belles rencontres, quatre belles expériences, quatre belles... Et c'est, je pense, la force du club de lecture, c'est justement sortir de notre zone de confort, aller essayer autre chose, pas pour se mettre mal à l'aise ou pour se... Non, pour dire, écoutez, la BD, c'est tout ça. C'est ça et plus encore. Et encore une fois, moi, un pur plaisir que d'avoir eu ces quatre belles lectures-là. Ah oui, ben vraiment, excellente suggestion. Là. Mais pour ne pas tout redire la même chose que mes collègues, je vais juste clore sur un truc que vous avez dit tantôt quand vous parliez des deuxièmes, que c'était justement la deuxième fois que vous le lisiez. Puis que là, vous vous êtes mis à sortir des éléments que vous n'aviez pas perçus la première fois. Puis moi, je trouve que ça, c'est une des forces de la bande dessinée. Puis que j'essaie d'inciter les gens à en lire. Ils disent, ah, on lit ça dans le temps de le dire. Oui, mais le plaisir de la bande dessinée, c'est de la relire et de lui faire dire des choses qu'on n'avait pas perçues la première fois, justement. Puis ça a été pareil pour moi là, quand j'ai relu les deuxièmes, là, d'ailleurs. Mais je me suis rendu compte, après cette deuxième lecture, que je ne lirai plus de la même façon. Ouais. Parce qu'avec le travail, souvent, je les lis rapidement, il faut que ça roule, j'ai des choses à faire, tout ça. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais après, j'étais gênée d'avoir parlé de ces livres-là en les ayant lus de façon pas autant d'attention que j'aurais dû. Mm-hmm. Et c'est en les relisant une deuxième fois que je me suis rendu compte de ça. Donc, merci, ça va changer ma façon de parler. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Pour racheter les albums, pour les relire. On peut peut-être relire le même aussi, des fois. N'hésitez pas, relire, racheter les albums. Mais c'est un point intéressant, puis je veux juste ouvrir là-dessus aussi, dans la mesure où les BD que tu nous as proposés amènent ou forcent, en fait, tout particulièrement le deuxième, Noir aussi, force un rythme de lecture. Et dans le fond, d'aller au-delà de ce rythme-là, c'est un peu dénaturer la partie visuelle de la narration, parce qu'effectivement, les deuxièmes, en 10 minutes, je veux dire, on l'a lu l'histoire, ouais. L'histoire, ça dure une dizaine de minutes, mais le rythme de la lecture pour vivre la journée ou la soirée, le moment que Zian nous propose, il faut accepter de le suivre. Il faut accepter d'aller tranquillement. Dans Noir, si on lit trop rapidement, on perd justement tout ce côté ambiant. Donc, c'est des bons exemples qui nous amènent à justement aborder la BD pas comme on aborde un roman, pas qu'on aborde un autre type de médium, c'est son médium en soi, avec un contexte de lecture, avec une approche et avec une volonté des auteurs de nous contrôler autrement dans la manière dont on regarde, dont on parcourt, dans le fond, le livre. Alors, c'est la leçon apprise, voilà. En forme d'une morale. On a voilà, une morale. C'est la morale de l'histoire. Hey. Je seconde. Alors, merci beaucoup à vous quatre, évidemment. Donc, Marco Duchesne, Édouard Tremblay, Jérôme Vermette, notre invité spécial, Anne-Josée Cameron. Merci pour la sélection également. Ça fait plaisir. Je rappelle les quatre titres pour ceux qui nous rejoignent au milieu de ce Facebook Live. Émilie Plateau, donc, Noir, La vie méconnue de Claudette Colvin. On a Les deuxièmes de Sviane. On a Les petites distances de Camille Benyana et Véro Cazzo. Et on a donc L'affaire Delorme de Michel Viau et Grégoire Mabi. Alors, Raymond Poirier qui vous accompagnait un peu en mode chef d'orchestre, si on peut dire. Je mentionne, enfin, on a un autre rendez-vous en juillet. Est-ce que quelqu'un autour de la table se rappelle de la date? Non? Alors, ce qu'on vous incite à faire, c'est deux options pour ne pas manquer la prochaine. C'est soit de suivre la librairie Pantoute sur Facebook, soit de suivre La Vie en BD sur Facebook. Donc, cherchez simplement Librairie Pantoute ou La Vie en BD, vous allez trouver. Et aimez les deux, tant qu'à faire. Ou surveillez Jérôme qui va se promener dans la rue en criant la date. Parce que mon médecin va m'avoir laissé sortir. Ben oui. C'est ce qu'on lui a demandé. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir été sur place publique. Et merci à la librairie Pantoute de l'accueil. Merci.